Le Comité national d'études du kim-sunnisme kim-jong-lisme du Nigérian a inséré le 6 dans son homepage d'Internet un écrit contre les États-Unis qui intensifie systématiquement la menace et le chantage nucléaire vis-à-vis la Corée.